Edmé R a toujours gardé avec ses deux épouses une certaine dignité maritale. Il ne tutoyait pas et n'était pas tutoyé. Il prenait avec sa femme un air de considération, mais sans apprêt et sans empesage. Son épouse, de son côté, lui parlait avec respect. Il est vrai que sa conduite et la manière dont il était regardé par tout le monde étaient un sûr moyen de le lui concilier. Je ne suis pas instruit parfaitement des détails qui concernent Marie d'Ondaine. Je n'ai eu là-dessus que des notions générales. À l'égard de ma mère, je suis beaucoup plus au fait, ayant été témoin oculaire. On m'a dit que dans les commencements du mariage de ma mère, son extrême vivacité et l'éducation volontaire qu'elle avait reçue ne lui firent pas choisir les moyens les plus sûrs pour captiver l'affection de son mari. Avec tout autre homme, elle aurait été malheureuse. Mais Edmé R., en mari sage et prudent, étudia le caractère de sa nouvelle épouse et se comporta avec elle de manière à faire impression sur son esprit. Il la prit par les sentiments, pour l'engager d'abord à contraindre un peu sa vivacité. Ensuite, il l'introduisit solidement de ses véritables devoirs, mais en particulier, et sans que jamais personne de la famille se doutât de ce qui se passait. Au contraire, devant ses enfants et devant les étrangers, il lui marquait la plus haute considération. Voici quelques-uns des avis qu'il lui donnait. C'est ma mère elle-même qui me les a rendus, après la mort de mon père. Elle me les citait pour me faire sentir combien elle lui devait de reconnaissance, et qu'il était impossible que rien modérât les regrets que lui causait la perte d'un tel mari. Ma chère femme, le défaut le plus dangereux dans un mari, c'est d'être un mari faible, et qui ne sait pas tenir le sceptre de l'autorité conjugale. C'est le défaut que j'ai remarqué dans les maris parisiens. Je vous souhaite heureuse. Je ne vous aurais pas épousée si je n'avais pas eu notre commun avantage en vue. Mais ce n'est pas un aveugle que je le désire. J'en ai entrevu le moyen, dès que j'ai eu le dessein de vous offrir ma foi. Ce moyen, c'est le but même que j'ai eu en vous épousant, d'être votre appui et votre défenseur. Et le défenseur est l'appui, n'est pas l'esclave. Dites-moi, d'où vient cette force que la nature a donnée à l'homme? D'où vient est-il en outre, toujours libre, de sa personne, hardi, courageux, audacieux même? Est-ce pour ramper, faible adulateur? D'où vient la nature vous a-t-elle faite si charmante, faible avec cela craintive? D'où vient vous a-t-elle donné ce ton si doux qu'à votre voix, ces inflexions délicates et mignardes? Est-ce pour commander du roman et avec hauteur? Non, ma chère épouse, c'est pour charmer, et pour dire le mot net, c'est pour fléchir l'être qui est le plus fort, et le déterminer en votre faveur. Votre lot est de plaire, et d'adoucir par le charme des caresses les pénibles travaux qu'entreprend pour vous l'être fort qui vous est uni, et qui ne fait plus qu'un avec vous. Ce sourire charmant n'est fait que pour le délasser en un instant de tous ses travaux, et l'exciter à en entreprendre d'autres plus pénibles encore. Si une femme trouve un mari faible, elle commande et croit en être plus heureuse. Elle n'est qu'impérieuse, et le commandement n'est jamais un bonheur, quoiqu'il satisfasse une des passions du cœur humain. Mais cette passion, étant une de celles qui le mettent en guerre avec ses semblables, elle apporte plus de troubles que de véritables plaisirs. Gardez donc vos trois rôles et n'en sortez pas, sinon je ne suis pas un tyran. Mais je prendrai le vôtre, et quelque ridicule qu'il soit, avec ses traits mâles et cette barbe fournie, il vous faudra l'essuyer, jusqu'à ce que vous me recédiez le mien. Vous souriez, mais en honneur je vous parle sérieusement. Le premier moyen d'être heureux en ménage, celui qui donne le prix à tous les autres, c'est que le chef commande, et que l'épouse, tendrement chérie, fasse par amour ce qu'on aimerait dans tout autre qu'une épouse, obéir. Vous dorez la pilule, mais je vous entends. C'est pour cela que j'ai parlé clairement, ma chère femme, car on ne doit parler que pour être entendu. Ne m'objectez pas que vous avez été heureuse dans votre premier mariage, par des principes tout opposés. Votre premier mari avait commencé par avoir des torts essentiels avec vous. Il a cru ne pouvoir aller trop loin ensuite, pour vous les faire oublier. Je l'approuve. C'est une conduite sage. À sa place, j'en aurais fait autant. Mais notre position est différente à nous deux. Nous ne sommes plus des enfants qui doivent se flatter. Nous sommes des époux mûris qui doivent agir sérieusement et remplir chacun leur rôle dans toute son étendue. Ce n'est qu'en suivant la nature qu'on peut être heureux. Le rôle naturel du plus fort, c'est le gouvernement. Le rôle naturel de la plus faible, de la plus aimable, c'est d'en tempérer la dureté. Non seulement pour elle-même, mais pour toute la famille. Ma chère épouse, j'ai résolu fermement de me conformer aux vœux de la nature. Soyez douce, obtenez et n'exigez pas. Du reste, vous avez autant d'autorité que moi sur toute la maison, puisque l'homme est la femme de son quin. Mais vous n'êtes pas le chef. Quand on est deux, il faut qu'il y en ait un qui soit le premier. Celui à qui la nature a donné le pouvoir d'être le maître par force doit l'être par un effet de la déférence qu'on a pour lui, afin qu'il en fasse un mérite à celle qui lui cède, et qu'il exerce son autorité en ami, en père. Réglez-vous désormais sur ces principes. S'il ne s'agissait que de mon bonheur, je me sens la force de vous faire bien des sacrifices. Mais je sais par expérience que les femmes maries sont les moins heureuses de toutes. Les femmes ressemblent aux peuples orientaux, dont elles ont à peu près l'imagination vive et facile à épouvanter. Elles préfèrent, sans s'en douter, un gouvernement où il faut obéir sans raisonner, à un autre où elles auraient le choix d'obéir ou non. Toujours indécises, elles passeraient leur vie dans une fatigante perplexité. Aussi qu'on ôte aujourd'hui un despote aux Asiatiques, demain ils en auront un autre. J'ai lu que les Romains en avaient autrefois fait l'expérience avec les peuples de Cappadoce, et que cette nation préféra un souverain absolu à la liberté. Mais mon mari, je ne demande pas à vous dominer. Ni moi non plus, ma chère femme. Je demande que chacun de nous soit exactement à sa place, qu'il règne entre vous et moi un accord, une harmonie, semblable à celle qui est entre tous les membres d'un même corps. Écoutez, toutes les fois que vous voudrez quelque chose, proposez-le-moi désintéressement. Je l'examinerai avec vous de sang-froid. Et si cela nous est utile, si cela l'est seulement pour vous, ce sera une chose décidée sans retour. Je vous le promets. » Dans toute la suite de sa vie, Barbe Fairley, que des circonstances particulières et son éducation d'enfant gâté avaient d'abord rendu une épouse ordinaire, devint une véritable arme Simon. Elle prit dans les lectures de l'Écriture sainte qu'on faisait tous les soirs une véritable idée de ses devoirs. Et j'ai vu le spectacle touchant de la conduite des femmes des premiers âges renouvelé par ma mère. Il est impossible de faire le tableau de ces petits détails respectueux, de cet ensemble de conduite qui annonce la subordination de l'épouse, sans indiquer l'esclavage. Coup d'œil toujours si agréable aux étrangers, qu'on voit bien que c'est la route de la nature, et ce que chacun en particulier souhaiterait pour soi-même. Plus son épouse était soumise, attentive, plus elle le traitait en souverain chéri, plus Aimé R, de son côté, lui marquait de considération. Exact à la faire craindre et respecter de toute la maison, il avait annoncé, pour une de ses maximes inviolables, qu'il passerait volontiers toute injure faite à lui-même personnellement, mais que lorsqu'on aurait manqué à sa femme, il n'y aurait aucune indulgence à attendre. C'est ce qui arriva un jour à l'une des servantes, qui laissa périr exprès une chienne excellente qu'Aimé R aimait beaucoup. Tout le monde tremblait pour elle, sachant à quel point le maître était attaché à cet animal utile, mais il se contenta de la reprendre avec modération et d'une manière si paternelle qu'il la fit pleurer de regret. Un mois après, cette fille s'emporta contre sa maîtresse et lui manqua d'une manière grossière. Aimé R, l'ayant appris, il la renvoya sur le champ, sans vouloir entendre aucune excuse, ni même les prières de la maîtresse. « Ma femme, dit-il ensuite à ma mère, si je souffre que l'on vous manque, vous verrez bientôt toute la maison en désordre. Sachez que la manière la plus agréable pour moi d'être respectée, c'est de l'être en vous. Qui vous marque un degré de considération, c'est comme le double à mon égard. Et une complaisance qu'on a pour vous vaut 10 complaisances qu'on aurait pour moi. Il en est de même pour nos enfants. Je suis bien plus flatté d'une caresse faite à mon fils ou à ma fille que de grandes démonstrations qu'on me ferait à moi-même. D'où vient, pardonnez l'exemple, mais c'est que je n'en vois pas de plus expressif, d'où vient un homme est-il si sensible à un coup donné, mal à propos et sans sujet à son chien? D'où vient suffit-il souvent, pour gagner son amitié, de faire des caresses à cet animal ou de lui donner un morceau de pain? C'est que le maître voit dans cette dernière action une envie sincère de lui faire plaisir. Ceci n'est qu'une faible image. Une femme, des enfants obligés, touche bien autrement le cœur d'un mari et d'un père. Est-il étonnant qu'un pareil mari fût honoré de sa femme et adoré de ses enfants? Aussi était-il l'homme de sa maison, absent comme présent. Tout ce que l'on faisait, ce que l'on disait même, se rapportait à lui. S'il était en voyage et qu'il arriva le soir un peu plus tard que l'heure du souper, on voyait toute la famille, enfants et domestiques, attendre avec un air d'inquiétude et de tristesse. Frappait-il à la porte, le coup de heurtoir était répondu par un cri de joie de toute la maison. Je n'ai jamais entendu ce coup de heurtoir sans voir ma mère palpiter de plaisir. Elle se levait avec empressement, répétait l'ordre d'aller ouvrir, quoique 5 à 6 personnes y fussent déjà. Elle s'agitait, préparait elle-même le bonnet de nuit, les sabots. Ce sont les pantoufles de ce pays-là. Elle les remplissait de braise, quoique ses filles voulussent lui en éviter la peine. Mettait sa chaise dans la place qu'il aimait, lui versait un verre de vin chaud qu'elle lui présentait à son entrée, avant de lui dire une seule parole. Le patriarche buvait, l'air content. Ensuite il la saluait, et nous saluait tous, jusqu'au petit berger, s'informant d'un chacun d'un air de complaisance et de bonté. Hélas, voilà le bonheur. Je ne l'ai vu que là, infortuné que je suis, de l'avoir été chercher ailleurs. Il racontait ensuite les nouvelles qu'il avait apprises, soit à Auxerre, soit à Vermenton, soit à Noyers, Tonnerre ou Vézelay. On juge avec quelle avidité elles étaient écoutées par des gens qui habitaient un village absolument isolé. Si quelqu'un était obligé de se déranger, pendant ce récit, on croyait quelle peine cruelle c'était. Mais Edmond R., à son retour, avait la complaisance de lui redire ce qu'il n'avait pu entendre. Il allait plus loin en faveur des domestiques. C'est que s'il était venu quelqu'un dans le jour, comme cela arrivait assez souvent, qui eût raconté des nouvelles, ou dit quelque chose d'utile ou de singulier, il en faisait part le soir à toute l'assemblée. Mais jamais ces récits n'empêchaient la lecture de la Bible. Dans le temps des avants, comme il avait la voix forte, agréable, il prenait plaisir chaque soir à chanter des Noëls. On sait comme ces cantiques sont naïfs. C'était une récréation pour la famille, qu'il savait lui rendre extrêmement agréable. C'est ainsi que ce sage et bon père, sévère pour qu'on remplisse son devoir dans le travail, ne regardait pas comme indigne de lui de se charger de la récréation journalière. Le plaisir, disait-il sans avoir lu Jung, mais c'est une pensée si naturelle, le plaisir est le baume de la vie, et il n'y a que les cœurs innocents qui s'y livrent tout à fait. Il arriva un soir une singularité, qui fit voir combien il était aimé en général de tous les habitants. Un particulier de Nitry, nommé Balton, qui était resté jusqu'à la nuit close à boire à Sassy, trouva plaisant, en s'en retournant, de crier au meurtre. Il était sur la colline au pied de laquelle est située la Bretonne. Malheureusement, mon père, qui avait été à Nitry, n'était pas encore arrivé. Aux cris étouffés que poussait l'ivrogne, ma mère pensa s'évanouir. Elle appela tous les domestiques qui n'étaient pas encore montés pour souper. On s'arme, on court. Ma mère envoie au village demander de l'aide. Dès qu'on sut qu'il s'agissait d'ennemis errants attaqués, chacun quitta son souper, prit ce qu'il trouva sous sa main et courut par le chemin de Nitry. On ne trouva rien. L'ivrogne, entendant venir cette foule, car il n'avait pas moins de 500 personnes, se jeta dans les vignes. Les habitants continuèrent leur route et ils auraient été jusqu'à Nitry si au coin des bois communs de ce bourg, ils n'avaient rencontré mon père, qui revenait tranquillement. Il avait été étrangement surpris du bruit qu'il entendait devant lui. Dès qu'il put parler au plus avancé, il leur cria. « Eh, mes enfants, qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Y a-t-il quelque malheur au pays ?» On lui expliqua le sujet du tumulte qu'il entendait. Il remercia avec effusion de cœur, et en arrivant à la maison, il fit percer le meilleur tonneau, que la petite armée eut bientôt mis à sec. Cette aventure fit du bruit dans le canton. On l'a diversement raconté. On savait qu'Edmé R. apportait de l'argent d'une tournée de chez ses débiteurs, et tout le monde a cru, et le croit encore peut-être, qu'il avait été réellement attaqué par Balton, mais qu'il avait voulu le sauver en cachant ce crime. Pour moi, j'ai rapporté la vérité. Après avoir parlé de la conduite d'Edmé R. avec son épouse et ses domestiques, il ne me reste plus à parler que de celle qu'il a tenue avec ses enfants. Il était sévère sans être dur, et la preuve sans réplique que c'était la meilleure méthode, c'est qu'il fut beaucoup plus sévère avec ceux du premier lit qu'avec ceux du second, et qu'en général cela valut mieux que ceci. Une nouvelle preuve encore, c'est que les premiers enfants du second lit, traités presque aussi sévèrement que les aînés, ont plus de vertus morales que leurs cadets. Je parle ici désintéressement, et je m'oublie autant qu'il est possible pour ne songer qu'à la vérité. Aussi, dans sa vieillesse, fut-il d'une indulgence excessive. C'était une vertu de plus en ce respectable vieillard. Mais le caractère d'hérétif est en général trop vert pour que ce régime puisse leur être favorable. Il n'a cependant jamais exercé sa sévérité envers son fils aîné. Ce caractère heureux se porta au bien dès l'enfance. Il s'y porta avec excès, pour être rétif en quelque chose. C'était une des expressions de M. l'avocat R., et l'on avait d'autre affaire avec lui que de le modérer. Tel fut Aristote au rapport de Platon. Quel bonheur pour un père qu'un pareil fils! si ce bonheur n'était pas trop souvent mêlé de la crainte de perdre l'enfant qui le donne. Quant au fils cadet du premier lit, je n'ai pas non plus ouï dire que notre père ait été obligé de le traiter durement. Cependant, il était paresseux, et son excessive bonté, dont aujourd'hui tous ceux qui le connaissent tirent tant de fruits, pouvait alors passer pour le défaut qui en est l'excès. Aussi n'était-il pas aimé de Thomas Dondaine, son aïeul et son parrain, qui étaient entièrement subjugués par les qualités brillantes de l'aîné. Mais Aimé R. encourageait ce second fils, et lui marquait la plus tendre affection en lui disant souvent « Thomas, comme j'aimais mon père plus que moi-même, Dieu m'a fait la grâce de lui donner le premier de mes fils, dans lequel sa divine bonté le fait revivre. Mais elle m'a donné le second, dans lequel je me reconnais avec plaisir. Sois bon, mon cher fils. L'esprit est une qualité bien dangereuse quand la dose de bonté qui l'accompagne ne suffit pas pour se mélanger également avec lui. Tu es fait pour être le plus heureux, sinon le plus apparent. Que cela te console, mon cher Thomas. Je suis l'aîné des enfants du second lit. J'ai les traits de mon père et de mon frère aîné, sans avoir leur figure agréable. Quant au caractère infiniment inférieur au premier, pour la bonté et cette force de vertu qui le rendait si vénérable, également inférieur au second en génie, en lumière je gémis avorton informe, également indigne et du sang dont je sors, et des exemples que j'ai eus. Pardonnez aux mânes de mon père, et vous, son lieutenant à mon égard, mon respectable aîné, pardonnez aussi, je vais redoubler d'efforts pour mériter l'honneur de porter le même nom que vous. » Jean-Baptiste R., le second des fils du second lit, est mort à 14 ans. Son esprit était borné, mais il aurait fait un jour un second Thomas R. Son ingénuité et sa bonhomie ont fait pendant toute sa jeunesse l'amusement de la maison, sans que pour cela il en fût le jouet. Notre père, qui riait lui-même de ses naïvetés, ne l'aurait pas souffert. Charles R. est le troisième des fils. C'était le portrait vivant de mon père pour la figure et pour la tournure d'esprit, mais il était inventif, ardent. En un mot, c'était l'esprit de Pierre R. avec la vivacité de notre mère, dans le corps d'Aimé R. Cet enfant, d'une si grande espérance, fut tué en 1757 en Hanover. Il était dans le régiment d'Auvergne et n'avait pas 17 ans. Pierre R., le plus jeune, occupait la maison paternelle. Son éducation s'est trop ressentie, comme je le disais, de l'indulgente vieillesse de notre père. Il est mort le 5 August 1778, laissant 7 enfants, dont 4 garçons. J'ajouterai seulement que l'on nous écrit beaucoup de bien de son fils aîné, qui n'a que 12 ans, pour l'entente des travaux rustiques, pour le goût de l'économie et de l'occupation. Puisse cet enfant retracer la conduite d'Aimé R. et le faire revivre dans le pays qu'il a si longtemps et si utilement servi. Lorsque quelqu'un de nous avait commis une faute, il en était repris sur le champ avec sévérité, mais sans aucune correction active. Selon la gravité de la faute, mon père décidait aussitôt le châtiment, qui était ou des privations ou même le fouet. Les privations étaient annoncées plusieurs jours d'avance, et tous les jours on prononçait au coupable sa sentence. Si c'était le fouet, il était remis à 8 jours. La sentence était prononcée en ces termes après la réprimande. « Mon fils tel, ou ma fille une telle, dans 8 jours, à telle heure, vous aurez le fouet pour expier la faute que vous venez de commettre et servir d'exemple à vos frères et sœurs, de ma main, ou si c'était une fille, de la main de votre mère. » Cette sentence du fouet ne se prononçait qu'une fois, mais à l'heure de l'exécution, le coupable était appelé. On faisait l'examen de sa conduite depuis la sentence. Si sa conduite avait été excellente, le pardon était accordé. Si médiocre, le fouet était modéré. Si méchante, la correction était bien rigoureuse. J'en ai éprouvé une de ce genre de la main paternelle, qui se faisait encore sentir, plus de 15 jours après. Il est inutile de dire que la fuite était impossible. Mais pour avoir le fouet, il fallait un cas très grave. Je ne l'ai eu que 2 fois, et j'étais fort méchant. La plupart des autres enfants ne l'ont jamais eu, surtout les 2 aînés et les filles. Mais lorsqu'un enfant avait fait quelque action qui méritait des éloges, il les recevait le même soir devant la famille assemblée, et ils étaient proportionnés à la beauté de l'action. L'un des fils fut loué ainsi, pour avoir donné à un pauvre malade la soupe au lait et le feu frais qu'on lui avait porté pour son dîner dans un champ où il gardait du blé qu'on y avait étendu sur des draps pour sécher. Il reçut ensuite la bénédiction paternelle. Un autre fut loué pour avoir été courageusement ôté de gros bestiaux qui gâtaient un héritage, et avoir ainsi sauvé au propriétaire le dommage et au maître des bestiaux l'amende et le coût du dégât. L'enfant n'avait que 8 ans. Un des fils fut loué, mais d'une manière moins solennelle, pour avoir, à l'âge de 10 ans, seul, triomphé d'un loup qui attaquait le troupeau. Il lui avait d'une main hardiment arraché sa proie d'entre les dents, en lui donnant de l'autre des coups d'un bâton ferré. La victoire était entièrement remportée lorsque ceux qui étaient témoins du combat purent venir au secours. Une fille fut louée solennellement pour avoir contenu la troupe des moissonneurs de la maison qui disait des paroles grossières à une pauvre jeune glaneuse, d'une aimable figure, et pour avoir fait manger cette fille avec elle, dont la vue de lui attirer de la considération. Pour mieux marquer aux moissonneurs l'horreur qu'il avait de leur conduite, N et R rendit cette cérémonie très touchante, et voulut que la glaneuse moissonna par la suite et gagna autant qu'une des plus habiles de la troupe. Dans sa jeunesse, le vénérable Aimé Nicolas R, fils aîné, avait été loué souvente fois, pour diverses actions éclatantes de charité, de modestie et de piété filiale envers tous ses parents. Anne R, fille aînée et déjà mariée, fut louée pour sa bonne conduite en ménage, avec un mari très dissipé, peu laborieux, dont elle avait fait un bon mari par sa douceur, ses complaisances, les encouragements qu'elle lui donnait, et l'ardeur incroyable avec laquelle elle lui épargnait une partie des peines, en faisant elle-même autant et plus qu'elle ne pouvait. Marie R., quoique absente, et étant alors à Paris, fut louée pour sa conduite dans cette ville, sur le témoignage de ses maîtresses et d'une de nos tantes. Comme elle était jolie, elle avait été exposée à quelques épreuves dont elle s'était tirée avec autant de modestie que de courage. Il est inutile de faire observer au lecteur combien cette conduite vraiment patriarcale était efficace pour donner de bonne humeur, ceux même des enfants de notre maison qui, malheureusement, jetés dans le tourbillon d'un monde corrupteur, ont pu se livrer pendant quelques années d'effervescence à des plaisirs dangereux, n'ont pas tardé à rentrer en eux-mêmes et à revenir aux bons principes qu'ils ont reçus dans leur enfance. Il est beaucoup d'autres détails que je mets de peur de paraître minutieux, mais je crois avoir fait assez connaître le digne citoyen auquel je dois le jour.